Sandy sur l'IRC, elle aime bien quand tu l'engueules, alors elle te demande si ça t'excite quand Sandy elle se fait pisser dessus par un sumo. Et alors, Carl, ça commence son nom Carpentine. Carpentine, je t'emmerde. Et t'as qu'à te pisser toi-même sur toi. Alors, Fulder, quand t'auras fini de faire ta merde, tu me feras signe. Je te demande, c'est la dernière fois que je te pose la question, tu réponds correctement? C'est pas une réponse, t'as pas t'énerver, on va rester calme. Ouais, tu t'as fermé ou quoi là? Ouais. Bon alors, au revoir. Bah non. Si, au revoir. Donc je continue à répondre. Je sens qu'on va terminer le débat, parce que Bilder Manu sont en train de perdre les deux connards. Bilder Manu, c'est les deux PD de la bande FM. Donc on va laisser la place à Seb. Non, si, non. Gérard, sur l'IRC, c'est remonté, on est 9878. Ah bah ouais. Donc voilà. Combien Max, reviens. Viens. Comme ça d'Apolline. Elle adore ça. Ça ne regarde pas ce qu'elle fait chez elle. Tiga! Oh, mais merde! Il y a des briquets qui vont voler ce soir, hein? Gérard, il n'y a rien qui va voler. C'est passé des trucs. On va se calmer. Ça va voler ce soir. Alors, Gérard, on y va ou pas? Combien doit peser un sumo en général? Alors 110. Bon, alors au revoir à toi. Mais 110 kilos, attends, laisse-moi finir, Gérard. Mais toi, t'arrêtes tes conneries, d'accord? Ok. Ça va pas te briquer, ça va être celui que tu vas te prendre après. Putain, non, le problème, c'est que tu sais pas viser, donc tu vas péter un truc dans le studio et tu le paieras. Donc je m'en fous. Non, mais de toute manière, c'est toi qui vas te répondre. Qui casse, Gérard? Toi, tu t'écrases, d'accord? C'est qui vient de dire ça? Prout d'Asie, au revoir, comme ça tu répondras correctement aux questions. Hop, au revoir. C'était un au revoir. C'est intéressant. Au revoir. Apprenez des choses. Au revoir. Mais je fais ton éducation au passage, tant qu'à faire. Au revoir. Instructif, ça vient de instruction. Au revoir. Prends des notes, vas-y. Non, mais au revoir. Tu réviseras la maison. Tu te débrouilles, on lui dit au revoir. Non, y'a pas moyen. Tout ça parce que je veux t'éduquer, attends, faut pas déconner. Putain, mais c'est quoi ces auditeurs là que vous me choisissez? C'est toi qui les écoute pas, Gérard. Ouais. Non, mais attends, pour l'instant, ça fait deux débats que vous me foirez. Non, c'était très bien. Y'a que ça? Oh non. Bien sûr, toi t'es complice. Ok, j'ai très bien compris. Attends, sur 3 ans, si on a flingué que 2 débats, je trouve que c'est bien. Non, mais attendez, pour l'instant, je vous entends pas parce que Peter s'amuse à faire des conneries. C'est la plus grosse de toutes ces raids. Alors lui, tu me le vires. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, Gérard, c'est pas moi. Non, tu vires. C'est l'autre là. Tu vires. Dénonce-toi, vas-y. Vas-y, dis ton nom. Parle, auditeur, vas-y, parle. Tu vires, au revoir. Bon, ça y est, Gérard, en fait, sur. Mais vos gueules un peu, les auditeurs. Gérard, vous précisez dans quel sens? Vos gueules. Comment ça, Japon? Oh putain! Oh, c'est quoi là, ces auditeurs de naze encore? Gérard, y a Yankee sur IRC, il dit que en fait sumo ça veut dire gros, alors Gérard t'es un sumo con. Ah bah lui c'est un sumo PD. En chiffre normal ou en chiffre romain, tu veux la réponse? Bon, d'ailleurs je vais te faire en chiffre romain ou en chiffre quintal que tu as dégagé au standard. Gérard, ça coince sur IRC, il y a un certain F de Babouin, il dit que pour une fois ton débat il était bien, on voit que tu t'y connais en sumo et puisque c'est comme ça il va fêter ça en allant chier sur ton palier, ça coince. Ah il est là lui, alors lui tu me l'attrapes et tu me le vires. Toi quand je t'appellerai pas, tu sortiras tous les lits, quand t'auras un anse à ton cul, je boirai mon café dedans. D'accord? Ouais bah t'as pas besoin de t'énerver, c'est moi qui commande. Ok, ça marche.